بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، للوون جيتا الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ses assises. Nous demandons à Allah سبحانه وتعالى de nous augmenter de ses bienfaits et de faire de nous des gens qui méritent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous raffermisse sur la voie de notre messager alayhi salatu wassalam, celle de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. C'est notre 11e assise, incha'Allah, dans ces cours réglés, sagesse du jeûne, incha'Allah. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, fa man kana minkum maridana wa ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela: celui d'entre vous qui est malade ou en voyage aura été empêché de jeûner, devra jeûner plus tard un nombre de jours équivalent à celui des jours de rupture. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. ومن هنا نبدأ في الكلام على من يباح لهم الفطر في رمضان. فالفطر في رمضان أبيح لأصناف: صنف أباح الله لهم الفطر وأوجب عليهم القضاء فقط، وصنف أباح الله لهم الفطر وأوجب عليهم الفداء فقط. Et partant de ce paragraphe, nous commençons à parler de ceux qui ont l'autorisation de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan ou de rater certains jours du mois de Ramadan et de ne pas les jeûner. Ne pas jeûner durant le mois de Ramadan a été autorisé pour certaines catégories. Il y a une catégorie à qui Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé la rupture et de ne pas jeûner, en instaurant pour eux tout simplement l'obligation du rattrapage, tout simplement. Il y a une catégorie à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé de ne pas jeûner et il a instauré pour eux l'obligation de la compensation. Et il y a une grande différence entre le fida et le kafara. La compensation, ce n'est pas l'expiation, ce n'est pas le kafara, parce qu'ils n'ont pas fait de péché, ils ont pris l'autorisation. Donc il y a une différence entre le fida et entre le kafara. Le kfara, c'est pour celui qui a fait un péché. Le fida, c'est une autorisation, c'est un substitut à ce qu'il devait faire et qu'il ne peut pas faire, donc il le compense. وَمِنْ تَيْسِيرِ هَذَا الدِّينِ أَنْ أَبَاحَ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ الْفِطْرَ فِي رَمَضَانِ وَيَقْضِيَانِ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَاهَا فِيمَا بَعْدِ وَلَوْ مُفَرَّقَةً. Et parmi l'aisance dans cette religion et la facilité de cette religion, c'est qu'il a autorisé aux malades et aux voyageurs de ne pas jeûner durant les journées de Ramadan. Et il le rattrape plus tard. S'il a jeûné 6 jours, il n'est pas obligé de rattraper les 6 jours d'affilée. Un jour par là, un jour par ci, comme il veut. Il peut le rattraper d'affilée. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comme il peut les rattraper séparés. ولا يباح الفطر مع القضاء إلا لهما. إذ لم يأتي في كلام الله عز وجل أحدا سواهما وما كان ربك نسيا. Donc, il n'est pas permis la rupture du jeûne durant le mois de Ramadan qu'à ces deux catégories-là, à savoir les malades et les voyageurs. Car dans le verset, il n'y a que eux qui sont cités. Ils rompent le jeûne, ils ont l'obligation de la rattraper. C'est eux qui sont cités dans le verset. Et dans le verset, le verset cité ici, nous dit, dans la traduction approximative du sens du verset, Allah n'a rien omis. C'est-à-dire, dans sa législation, il est complète. Hein? فليس صحيحا ما يفتي به بعض المعاصرين من المدرسة العقلانية من إباحة الفطر لطلاب المدارس والجامعات حال الاختبار، وكذا لأصحاب المهن الشاقة، فما بالكم بمن يفتي الإفطار للاعب الكرة، كرة القدم، لأن المباراة في سبيل الوطن والعياذ بالله، الله المستعان. ورب العزة يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأحدهم عمله كله سفر، يجوز له أن يفطر، لأن الله رؤوف بعباده، حكيم في تشريعه سبحانه وتعالى. ولعل رمضان يكون في الصيف فتكون المشقة أكثر، فيقضيه في الشتاء، وليس من الضروري أن يقضيه متتابعا، فله أن يقضيه كما أراد متفرقا، فالله أعلم بأحوال العباد وبما يصلح لهم أكثر من أنفسهم. هذا صنف يجب عليه فقط القضاء، فقط القضاء. Quelqu'un dont le travail c'est constamment le voyage, il a le droit de ne pas jeûner. Car Allah il est clément et miséricordieux pour ses serviteurs. Et la sagesse est dans la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et peut-être que même Ramadan est en plein été, où la difficulté encore augmente avec le voyage. Et il va le rattraper tout simplement durant l'hiver. Et il n'est pas obligé de le rattraper. Il a rompu le jeûne pendant 15 jours, pendant 7 jours. Non, il n'est pas obligé de rattraper, de les rattraper d'affilée. Il peut les rattraper comme il veut, séparé. Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux les situations de ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. ولك أن تنظر قال فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. Il a dit dans le verset il y a un certain autre nombre de jours. Il a pas dit d'affilée, un certain nombre d'autres jours. Ah, pour ceux qui doivent rattraper. Quand il a fallu qu'il ça soit successif, il a dit فصيام شهرين متتابعين. Et quand il a fallu que le jeûne soit suivi, il a dit, il faut qu'il jeûne 2 mois successifs. Donc la parole d'Allah, elle est claire. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est très claire. Lakin, عندما يتصور, لا يتصور الإنسان حقيقة حكم الله. هذا لا يعني أن الحكمة لا توجد فيما خلق الله سبحانه وتعالى وفيما شرعه سبحانه وتعالى، فحكم الله سبحانه وتعالى قد يفهمها البعض وقد تغيب عن البعض الآخر. Mais quand l'être humain n'imagine pas la réalité des buts et sagesse dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et dans ce qu'il a créé, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de but et de sagesse dans ce qu'il a créé et ce qu'il a légiféré, subhanahu wa ta'ala. Hein? Les buts et sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, certains la comprennent, et d'autres n'ont pas la compréhension de celle-ci. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, comble de la compréhension qui il veut, subhanahu wa ta'ala, parmi ses serviteurs. فَرُبْ رَبُّ الْعِزَّةِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وذكر المرض وذكر السفر سبحانه وتعالى، ولم يذكر الأعمال الشاقة ولا الدراسة. Donc dans le verset il est clair. Il est dit, hein, celui qui est malade ou en voyage et qui n'a pas jeûné, Donc, il doit rattraper en écartant un autre nombre de jours égal en dehors du mois de Ramadan. Allah veut pour vous tout simplement la facilité et l'aisance. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Et il a cité dans le verset la maladie et le voyage, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas cité les travaux fatigants et les travaux durs, ni l'étude, ni les études. بئست الدراسة التي تجعل الإنسان يعصي ربه ويفطر في رمضان. فالدراسة حتى ولو كانت دراسة دنيوية كالطب والهندسة والاقتصاد وما إلى ذلك، المفترض أن يستعين بها المسلم على دينه، لا أن تكون سببا لتفريط المسلم في دينه وفي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن عبيد لله عز وجل، فدراستنا وتجارتنا وشغلنا كل هذا يجب أن نستعين به على ما خلقنا له، وهو طاعة الله وإفراده بالعبادة. فربنا في شرعه لم يكلفنا ما لا نستطيعه أبدا، ومع ذلك عندما تكون المشقة يأتي التيسير من رب العزة سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا التيسير لا بد أن يكون في شرع الله، لا تيسيرا يأتي من عقولنا وهوانا ورغباتنا أبدا، فهذا ليس بتيسير، هذا هوى واتباع للهوى. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le verset, l'exception est faite que pour les malades et pour la maladie, le voyageur. Maudites soient ses études, et maudites soient ses études qui font de l'être humain un désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne jeûne pas le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé et fait obligatoire. Les études, même si ce sont des études mondaines, que ce soit la médecine, que ce soit l'économie, ou le fait de devenir ingénieur, et j'en passe, ce qui est demandé aux musulmans, c'est que ces études l'aident à l'accomplissement de sa religion. Ces études et ces métiers qu'il va apprendre doivent être une aide pour lui, pour l'accomplissement de la religion. Et non pas une cause pour donner le dos à la religion, ou pour être négligent dans la religion d'Allah et dans les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. Car le verset il est clair, dans surat Dariyat, dont la traduction approximative nous dit ceci: je n'ai créé les génies et les humains que pour me réserver le culte exclusivement. Donc, nos études, nos occupations, nos travaux, commerce, etc., doivent être une aide pour nous, pour l'accomplissement de notre religion, pour notre soumission. Parce que c'est là le but pour lequel nous avons été créés. Et ce que nous faisons, nos métiers et autres, ne doivent pas être un obstacle pour nous, pour l'accomplissement de notre religion et pour la négligence des obligations d'Allah. Car, comme il est dit dans le surat Dariyat, je n'ai créé les génies et les humains que pour me réserver le culte exclusivement. Donc, nous sommes des soumis à Allah. Donc, nos études, notre commerce, notre travail, notre fonction, tout ceci doit être une aide pour nous, doit nous aider pour l'accomplissement du but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. L'obéissance d'Allah, l'adoration d'Allah, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa législation, il ne nous a pas imposé des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qui ne sont pas dans notre capacité. Abedan. Et compte combien même quand il y a la difficulté dans un acte, arrive la facilité et l'autorisation d'Allah. et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute que cette autorisation et ces facilités doivent être conformes et pris dans la législation d'Allah, dans le livre d'Allah, la sunna de son prophète alayhi wa sallam, avec la compréhension et selon la voie du plus prédisseur d'Allah alayhi. Ces autorisations et ces facilités ne doivent pas être, leur base ne doit pas être nos désirs, ni nos passions, ni notre raison. Abadan. فربنا في كتابه سبحانه وتعالى لم يذكر الأشغال الشاقة ولا الدراسة وكذلك من بعثه الله رحمة للعالمين لم يذكر ذلك والأعمال الشاقة والدراسة كانت موجودة في أيام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فكان الناس يشتغلون في البناء وفي الحقول وفي الأسواق ولا شك أن الشغل ذلك الوقت كان أشق مما هو عليه اليوم. Donc notre souverain subhanahu wa ta'ala n'a pas cité les travaux durs, ni les études. Il en est de même de celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les deux mondes. Il les a pas cités. Et les travaux durs existaient à l'époque des nobles compagnons radhiyallahu anhum. Les gens travaillaient dans la construction, travaillaient dans les champs, dans les marchés, et leurs travaux étaient beaucoup plus pénibles que nos travaux d'aujourd'hui. الآن وهل اللعب بشتى أنواعه كرة القدم أو كرة اليد أو كرة السلة أو ما إلى ذلك ولو كان لصالح الوطن كما يقولون يبيح الإفطار في رمضان فما هو إلا اللعب كرة القدم أو كرة اليد أو السلة أو غيرها مباراة دولية أو محلية وهذا من تلاعب الشيطان بالناس يقول لك الرجل هذا في سبيل الوطن أعوذ بالله ما هو إلا لعب Est-ce que maintenant les jeux dans toute leur diversité dans toute leur forme même si c'est pour la cause de la nation comme ils disent Est-ce que cela te donne l'autorisation de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan? Ce n'est que du jeu. Que ce soit le foot, que ce soit le handball, que ce soit le basket, que ce soit le tennis, n'importe quel jeu. Que ce soit des matchs internationaux, ou pas, la coupe internationale, ou la nationale, ou régionale, peu importe. Ce n'est que le jeu. Ce n'est que des futilités que le shaitan a créé pour que les humains soient détournés du but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Il te dit, mais c'est un match pour la cause, pour la nation. A'udhu billah. Ce n'est qu'un jeu. Wa rabbuna yaqul, wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Alors que le verset, dans sa traduction approximative du sens du verset dans Sourat l'Araignée, verset 64, nous dit cela. La vie d'ici-bas n'est que distraction et jeu, alors que la demeure de l'au-delà est la vraie vie s'il savait. فَإِذَا كَانَ الْعَمَلِ لِكَسْبِ الرِّزْقِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ عن الطريقة المشروعة لا يبيح الفطر فكيف باللعب والدراسة Si maintenant le travail dans des voies légiférées pour acquérir la subsistance halal, licite ne permet pas de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan qu'est-ce qu'il en est du jeu et des études قال عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال العلماء الآية أباحت للمريض والمسافر مطلقا الفطر في رمضان فهو أدرى بنفسه فهذه رخصة إن احتاجها أخذها وإن صامها فله ذلك وقالوا إن المرض بكل أنواعه يعتبر مبيحا للفطر، وهذا لا يعني أنه يلزمه الفطر إلا إذا وصل به المرض إلى درجة تضره لو صام. فهذا قالوا في حقه أن الفطر واجب في حقه إذا وصل إلى بصومه إلى أن الصيام يضره ويزيد في مرضه، فيصبح الإفطار واجبا في حق هذا. إذنك الفرسي الكلير إنه دي Et celui qui est malade, qui en voyage, qui rompt, c'est-à-dire durant son voyage, durant sa maladie, un certain nombre de jours, qu'il les rattrape un jour égal, un jour, un nombre de jours égal, hein, après le mois de Ramadan. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Les hommes de science disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé aux malades et aux voyageurs, sans exception, la maladie, n'importe quelle maladie, le voyage, n'importe quel voyage, il n'y a pas de condition. C'est, les mots ont été donnés dans l'absolu, dans leur absolu, pour toutes sortes de voyages, toutes sortes de maladies. Et le voyageur et le malade, c'est eux qui se connaissent, qui connaissent leurs capacités. Et ça, c'est une autorisation qu'Allah leur a donné pour leur faciliter la situation. Hein? S'il met en application et prend l'autorisation, il a le droit. Et s'il jeûne, il a le droit. Hein? Car toute la maladie, toute forme de voyage, toute forme de maladie, autorise celui qui est malade ou celui qui est en état de jeûne de rompre son jeûne. Et cela ne veut pas dire qu'il est obligatoire pour lui de jeûner, de rompre le jeûne. Non. Et cela ne veut pas dire qu'il est obligatoire pour lui de ne pas rompre le jeûne jusqu'à ce que la maladie soit forte, jusqu'à ce que la maladie lui fasse du mal. Dans ces cas-là, quand il jeûne et que la maladie devient, lui augmente sa maladie, quand le jeûne lui augmente sa maladie, dans ces cas-là, les hommes de science disent, il est obligatoire pour lui de ne pas jeûner. Il est obligatoire pour lui de ne pas jeûner. Il est malade, il prend l'autorisation, il n'y a pas de mal. Il veut jeûner, il jeûne, il n'y a pas de mal. Mais si maintenant il atteint dans son jeûne, le jeûne lui rend, aggrave sa maladie, ben là les hommes de science disent, stop, tu es obligé de rompre ton jeûne. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في سفر وفي سفر فتح مكة رجلا قد ظلل عليه، ويعني أنه أغمي عليه والناس يهوون عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ما باله؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني هذا يعني يقول العلماء إذا وصل المسافر إلى هذه الدرجة فصيامه لا يعتبر برا، فهذا يحول الأمر إلى عقبة، يعني يصير هذا الصائم الذي وصل هذه الدرجة عالة على رفقته في السفر ويتعطلون بسببه، وهو بنفسه لا يستطيع القيام بشؤونه. Donc il a été rapporté un hadith authentique, le hadith de Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه وارضاه. Que le messager d'Allah a vu un homme lors d'un voyage. Et c'est le voyage pour la conquête de la Mecque. Donc c'est un voyage pour le combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et il a vu un homme à qui on fait de l'ombre et qui a été évanoui Et le fils de l'homme, on était en train de faire du vent pour lui. Et quand il a vu la situation, il a dit, qu'est-ce qu'il a? Ils lui ont dit, il est en état de jeûne. Il a dit, ça ne fait pas partie de, du bien ou de l'adoration, le fait de jeûner pendant le voyage. Ça ne fait pas partie du bien, et ça ne fait pas partie de la piété, le fait de jeûner dans le voyage. Qui a dit ça? Le véridique qui n'a dit que la vérité. Le hadith, il est authentique. Cela veut dire, disent les hommes de science, quand maintenant la personne est en voyage et qu'il est en état de jeûne et qu'il arrive à cette étape-là où il est évanoui et que les autres sont préoccupés par le fait de le secourir, de lui faire du vent, de lui faire de l'ombre, etc. Cela veut dire que cette personne est devenue une gêne pour la compagnie du voyage. Et il y a beaucoup de choses qui vont être retardées à cause de lui. Et lui-même, il ne peut rien, il ne peut pas s'accomplir lui-même. Il ne peut rien faire pour lui-même, parce qu'il est faible. Et donc, dans ces cas-là, cette situation, c'est quoi? C'est l'obligation de ne pas jeûner. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu قال كان رسول الله الحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم وهذا كان في غزوة الفتح وكانت في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. Donc dans l'hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim qui sont le degré le plus élevé de l'authenticité des hadiths du messager alayhi salatu wa salam. Jabir ibn Abdillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, lui et son père et tous les autres compagnons, a dit le messager d'Allah Azza wa Jal lors d'un voyage, a vu un homme, a vu beaucoup de monde autour d'un homme, à qui il faisait de l'ombre. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils lui ont dit, il est en état de jeûne. Et il a dit, ça ne fait pas partie de la piété ou de l'obéissance, le fait de jeûner durant le voyage. Dans l'expression de l'imam Muslim, il y a « Prenez l'autorisation d'Allah qu'il vous a donnée. » Prenez l'autorisation d'Allah qu'il vous a donnée. Et donc, et cette scène et cet événement a eu lieu la 8e année de l'Hijr, l'année où il y a eu la quarantaine et durant le voyage qui va amener à la conquête de la Mecque. فيقول العلماء المسافر الذي يمكنه الصوم بلا مشقة ولا تعب له الخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر أما إذا وصل به الحال إلى أن أغمي عليه فيجب عليه الفطر. Partant de là, les hommes de science disent, le voyageur qui peut jeûner sans gêne, sans difficulté, il a le choix entre le fait de jeûner, entre le fait de ne pas jeûner. Il a le choix, il est le maître de lui-même. Il prend l'autorisation ou il ne la prend pas. Mais si la personne jeûne durant le mois de Ramadan, et durant le voyage pendant le mois de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan, il s'évanouit, là, ils ont dit, il est obligatoire pour lui de rompre le jeûne et de ne pas jeûner durant son voyage. La preuve, c'est quoi? Le hadith qu'on vient de citer de Jabir, radiyallahu anhu arda. وَالْفِطْرُ فِي السَّفَرْ قَدْ يَكُونُ مُبَاحًا وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًا وَقَدْ يَكُونُ أَحْيَانًا وَاجِبًا وَلَا يُعْتَبَرُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ الفطر في السفر مكروها أو محرما أبدا، فمن أخذ بالرخصة فلا يقال له فعلت مكروها أو محرما أبدا، أخذ برخصة الله. فالمفطر في السفر أقل أحواله أن يكون فطره مباحا، وإما أن يكون مستحبا أو يكون واجبا عليه. Donc, le fait de rompre le jeûne durant le mois durant le voyage, il peut être autorisé. Il peut être du domaine du préférable. Et il peut être du domaine de l'obligatoire. Et en aucun cas, il est détestable ou il est interdit. Abadan. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a pris l'autorisation de ne pas jeûner durant son voyage qu'il a commis quelque chose de détestable ou quelque chose d'illicite. Abadan. Il a pris l'autorisation qu'Allah lui a donnée. Hein? Bah, impossible qu'on lui dise que tu as fait quelque chose de détestable ou de haram. Abadan. Donc celui qui rompt le jeûne durant le voyage, la moindre de ces situations, c'est que c'est autorisé. Et, degré supérieur, il est préférable pour lui de ne pas jeûner. Degré plus supérieur, il est obligatoire pour lui de ne pas jeûner. Et jamais c'est haram pour lui. Abadan. فمثال المستحب يتجلى في هذه القصة. عندما كان الصحب الكرام رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وخدم المفطرون الصائمون، لأن الصائم في السفر يكون متعبا، فمن الذي يقوم بخدمته؟ المفطر. فورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لماذا؟ لأنهم كانوا في خدمة الصائمين. Donc parmi les situations où il est préférable de ne pas jeûner, il apparaît clairement dans cette histoire qui a eu lieu pendant l'époque du prophète alayhi salam. Lors d'un voyage, il y avait certains qui jeûnaient et d'autres qui ne jeûnaient pas. Hein? Et il est évident que durant le voyage, même durant la journée, à la fin de la journée, le jeûneur, il est comment? Il est fatigué. Hein? Il est fatigué. Et donc, quand ils sont arrivés à un endroit pour camper après une rude journée de marche, hein, même s'ils avaient leur monture, qui a été au service dans le campement? Ce sont ceux qui n'avaient pas jeûné qui ont été au service, qui ont monté les tentes, qui ont fait le travail, qui ont amené les bêtes à l'abreuvoir pour les faire boire, et ainsi de suite. Et quand le Rasoul a vu cela, il a dit, aujourd'hui, ceux qui ont rompu le jeûne ont pris la récompense. Hein? فَالصَّائِمُ فِي السَّفَرْ يَكُونُ عِبْءًا عَلَى رُفْقَتِهِ فَكَانَ الْمُسْتَحَبُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ الْإِفْطَارِ لأن الصائم ينبغي، لأن الصائم يبتغي وجه الله عز وجل، فإن كان صيامه سيجعله عالة على غيره ممن يفترض أن العمل سيوزع بينهم. ها، فخذ مثالا، أنا وأنت وآخر مسافرون، فالمفترض أن نتقاسم المشقة، فإذا كنت أنا صائما وأنت في خدمتي وأنا ما أعمل حاجة، ففي هذه الحالة تسببت بصومي نفلا كان أو فرضا في مشقة غيري. فالعلماء يقولون في هذه الحالة المستحب الإفطار، لكن لا يصل إلى حد الوجوب. أما إذا وصل بصومه في السفر إلى حد الهلاك والإغماء فيقولون وجب عليه. وقل مثل هذا في المرض، مثل هذا الذي قلنا قسوا على المريض، نفس الشيء. Donc, le jeûneur on voyage, il devient une charge pour sa compagnie. Il est une charge pour sa compagnie. Et donc, quand il devient une charge pour sa compagnie, il est préférable pour lui dans cette situation de ne pas jeûner. Car le jeûneur, il veut quoi avec son jeûne? La face d'Allah, les récompenses. Mais si avec son jeûne, maintenant avec son jeûne, il devient une charge pour autrui, avec lequel normalement il doit, il devait partager les tâches du voyage et ce qu'il y a à faire au niveau des tâches. Prends par exemple, moi, toi et un autre. On est en voyage. Ce qui est supposé, c'est que durant le voyage, on se partage les tâches. Hein? Si maintenant moi je suis en état de jeûne, et toi tu es à mon service, et moi je fais rien, ça veut dire dans ces cas-là, avec mon jeûne, j'ai causé, hein, une difficulté à l'autre. Et je l'ai chargé de quelque chose qui normalement je dois partager avec lui. Hein? Comment un jeûne soit un jeûne obligatoire ou surrogatoire? Les hommes de science disent dans ces cas-là, il est des domaines du préférable qu'il ne jeûne pas. Mais ce n'est pas une obligation. Mais il est des domaines, il est préférable qu'il ne jeûne pas. Pour ne pas être une charge pour les autres. Mais si maintenant, avec le jeûne, la personne arrive où il est évanoui. Hein? Il va vers sa perte. Dans ces cas-là, les hommes de science, il est obligatoire pour lui de rompre le jeûne. Et ces exemples que nous venons de donner, c'est la même situation pour les malades. Hein? C'est la même situation. Hein, le malade, il lui est autorisé de jeûner. Si ça ne va pas aggraver son jeûne. Il lui est autorisé de ne pas jeûner, peu importe sa maladie. Hein? Il va devenir préférable pour lui de ne pas jeûner. Hein? S'il va devenir une charge, et il va avoir des difficultés. Et ça va devenir obligatoire pour lui quand la maladie va s'aggraver avec le jeûne. Comme le voyageur. Fil hadith il muttafaqi alayh. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذن الحديث rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Anas ibn Malik رضي الله عنه a dit, nous étions lors d'un voyage avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Parmi nous, il y avait ceux qui jeûnent. Il y avait ceux qui ne jeûnaient pas. Et c'était une journée aride, le soleil était aride, très chaude. Et ils sont arrivés à un endroit pour camper, pour se reposer. Il a dit, ceux qui avaient le plus d'ombre, c'est ceux qui avaient une étoffe qu'ils mettaient sur un ou deux, un tissu. Et il a dit, et parmi nous, il y avait ceux qui se protégeaient du soleil avec leurs mains. Et il a dit à ce moment-là, les jeûneurs sont tombés de fatigue. Et ce sont ceux qui n'ont pas jeûné, qui se sont occupés à dresser les tentes et à amener les bêtes à l'abreuvoir. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui n'ont pas jeûné ont pris la récompense aujourd'hui. Hein? Donc quand les hommes de science disent quelque chose, c'est qu'ils s'appuient sur des preuves, sur des actes, sur des paroles, qui ont eu lieu durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam et devant le prophète alayhi salatu wassalam et que les compagnons radhiyallahu anhum ont accompli aussi ها رضي الله عنهم وارضاهم. ولقد وجب الإفطار على الصحابة عندما كانوا في الجهاد، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإفطار، فقد يصل الأمر للوجوب. ورب العزة يقول: ومن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فما فرض الله الصيام تعسيرا على عباده سبحانه وتعالى، فالصيام فرض رحمة بنا وتزكية لنفوسنا وطهارة لها. فربنا سبحانه وتعالى غني عن جوعنا وعن عطشنا وغني عنا. إنما الصيام فرض لكي نزكي أنفسنا، وليس مشقة لنا ولا تعذيبا لنا، بل هو للوصول إلى الغاية المطلوبة منا، ألا وهي تحقيق التقوى. فإن الله سبحانه وتعالى لغدا فواياج إلى إتي أوبليغاتوار بوغ لي نوبل كومبانيون رضوان الله عليهم، لغدا فواياج كومبا سور لو سونتي دو الله سبحانه وتعالى، إلى إتي أوبليغاتوار أو كومبانيون دو رومبر لوغ جون، إي لورد لوغا إتي انتيمي دو ميساج عليه الصلاة والسلام. Il leur a donné l'ordre. Donc, on peut arriver durant le voyage à être obligé de rompre son jeûne. Dans le verset, il est clair, quiconque parmi vous est en état, est malade, ou en voyage, les jours qu'il n'a pas jeûné, va adosse-toi au mur. Les jours qu'il n'a pas jeûné, il les rattrape. Car Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas légiféré pour nous, il l'a fait obligatoire comme difficulté pour nous, ou pour nous gêner dans notre vie. Abadan. Le jeûne a été instauré comme miséricorde pour nous, et pour purifier nos âmes. Et pour atteindre le but pour lequel nous sommes créés, qui est le fait qu'il y ait taqwa, le fait de mettre en application les ordres d'Allah, et de s'abstenir de ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin de notre faim. Il n'a pas besoin de notre soif. Allah n'a pas besoin de nous. Aslan. C'est nous qui avons besoin d'Allah. C'est nous qui avons besoin du jeûne. C'est nous qui avons besoin de la prière. C'est nous qui avons besoin de faire le pèlerinage ou la umrah. C'est nous qui avons besoin de toute forme d'adoration qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait obligatoire, c'est qu'il veut pour qu'on se rapproche de lui. Et qu'on s'élève à 10 degrés. Hein? C'est ça le but de la législation d'Allah et de la soumission à Allah azza wa jalla. روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وهو موضع بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. وهذا الحديث يبين أنهم صاموا مع المشقة، والنبي أفطر لكي يقتدوا به، فبعضهم لم يقتدي به فسماهم عصاة. Et donc, dans ce qui est rapporté par l'imam muslim, le hadith du Jabir ibn Abdillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gré les nobles compagnons, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de la conquête de la Mecque, et c'était durant le mois de Ramadan, de la 8e année de l'Hégire, Et on voyage jusqu'il est arrivé à un endroit qui s'appelle Qura al-Ghamim. C'est un endroit entre la Mecque et Médine. Et on lui a dit à Rasulallah, les gens ont beaucoup de difficultés dans leur jeûne aujourd'hui. Et ils sont en train d'attendre ce que tu vas faire. Et Rasulallah, sur sa monture, il a demandé un récipient d'eau. Et il a bu devant pour que tout le monde puisse le voir. Et ceci après l'Asr. Et il a bu. Et après, on lui a rapporté que certains ont continué de jeûner. Et il a dit, ceux-là, ce sont les désobéissants. Et il l'a répété deux fois. Ce hadith, disent les hommes de science, montre que ils avaient jeûné alors qu'ils avaient des difficultés dans leur jeûne. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a rompu son jeûne après l'Asr pour qu'il le prenne comme modèle. Et comme certains n'ont pas rompu le jeûne, il a dit, ceux-là, ce sont les désobéissants. Hein? والخروج إلى مكة كان عام كان جهادا فكانوا متهيئين للمعركة وبهذا الحديث يبين أهل العلم أن هناك إفطار واجب في السفر وهو إذا شق الصيام على المسافر avec ce hadith du Jabir رضي الله عنه وارضاه les savants nous éclairent sur le fait que il y a des fois, quand le jeûne est difficile et rend la situation difficile au jeûneur pendant son voyage, qu'il est obligatoire pour lui de rompre son jeûne et de ne pas continuer. Il en est de même du malade. Hein? فَالْفِطْرُ مَعَ الْقَضَى لَا يُبَاحُ إِلَّا لِلْمَرِيدِ وَالْمُسَافِرِ ومن يفتي أصحاب المهن الشاقة قياسا على المريض والمسافر فهذا قياس باطل وفي الأزمنة الماضية كانت المهن شاقة وكان الناس يحملون الحجارة على رؤوسهم والرمال وغيرها على ظهورهم أما الآن والحمد لله على فضله وكرمه فالآلات وغيرها مما سهل ما كان شاقا فلله الحمد من قبل ومن بعد. Donc, rompre le jeûne avec l'autorisation et le rattraper plus tard en dehors du mois de Ramadan, il est autorisé pour ces deux catégories, le voyageur et les malades. Ceux qui donnent des fatwas à ceux qui sont dans des travaux difficiles, en faisant la comparaison ou l'analogie avec le malade et le voyageur, ceci est une analogie qui n'a pas lieu à être. C'est une fausse comparaison et une fausse analogie. Durant le temps des nobles compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection, les métiers étaient encore plus durs et plus difficiles que nos jours. Ils portaient les pierres sur leur dos, sur leur tête, ainsi que le sable. Hein? Ils travaillaient dans les champs durement. Alors qu'aujourd'hui, la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le travail est devenu facile, avec toutes ces créations de machines, etc. Ce qui a été difficile, hein, avant, dans les temps qui ont passé, est devenu facile. Et la louange est à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et malgré les difficultés qu'ils avaient, il n'y avait personne qui donnait l'autorisation à rompre le jeûne. Fait, subhanallah, كَيْفَ جَوَّزَ هَاُولَا إِلِيَ أَنفُسِهِمْ أَنْ يَقِيسُوا مَنْ يَذْهَبْ لِلِاخْتِبَارَاتِ التي نجح فيها الإنسان فلعله يقعد على الرصيف ويقيسون على المريض والمسافر ويقيسون العامل على نفس القياس ويقيسون لاعب الكرة نفس القياس فلطفا بنا ربنا. وهذه مفاهيم سفيهة سقيمة مفاهيم العقلانيين والمدرسة العقلانية. قلواها الله سبحانه وتعالى كي يبرمي السلع de comparer celui qui va à faire des examens au malade ou au voyageur, il lui donne là l'autorisation de rompre le jeûne. Alors que même s'il réussit ses études, il va se retrouver au chômage, certainement, avec ses hauts diplômes. Et là, ils lui font l'analogie avec, ils le comparent au malade et au voyageur pour lui donner l'autorisation pour rompre son jeûne au jour des examens. A'oudou billah. C'était une fausse analogie, une fausse comparaison. Et en même temps, ils font la même chose avec ceux qui font des travaux difficiles. Et en même temps, avec les joueurs de foot et tous les autres joueurs que j'ai cités tout à l'heure. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous couvrir de sa sainte miséricorde et de nous donner la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim et de nous raffermir sur leur voie. Ceci, c'est la compréhension stérile, la compréhension insensée et stérile de cette école appelée l'école de la raison. L'ayadan billah. من قال أن الطالب إبان الامتحانة يفطر أما كان في القرون المفضلة طلبة علم أم ماذا بل كانوا يطلبون أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق ويبذلون في ذلك أوقات كثيرة في اليوم في علم الكتاب والسنة فما سمع منهم أنهم يفطرون أو قيل لهم يفطروا بل ولد عنهم العكس أنهم كانوا يستعينون على العلم بالصوم وعلى تركيزه وحفظه بالعمل به. سبحانك ربنا كيف قلبت الموازين. فهل يجوز للطلبة ترك ركن من الدين لأجل الاختبارات؟ وربنا يقول ما كان ربك نسيا. فإن الله سبحانه وتعالى كيادي que les étudiants, à l'époque des examens, ils doivent rompre le jeûne et ne pas jeûner durant la journée du mois de Ramadan. Durant la période des générations qui ont été élogées par Allah et par son messager, alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas des demandeurs de science. Il y avait des demandeurs de science et en plus ils passaient le temps de la demande plus que ce qu'ils le passent actuellement. Et la demande était encore plus difficile que celle de nos jours. Et ils restaient assis en tailleur pendant des heures et des heures. Et ils demandaient la plus noble des sciences et la plus méritoire des sciences, qui est la science du livre d'Allah et la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Il n'a pas été rapporté dans les annales de l'histoire de ces nobles et de ceux qui les ont suivis à la perfection que quelqu'un n'a pas jeûné durant sa journée de demande de science. Ou qu'on leur a dit, rompez votre jeûne, vous êtes en train de demander la science. Vous avez le droit. Abaden, ce qui nous a été rapporté, c'est tout à fait le contraire. Il cédait pour l'apprentissage avec le jeûne. Pour apprendre, il cédait. Il jeûnait pour l'apprentissage. Et pour que ça s'ancre dans leur esprit, et dans leur mémoire et dans leur cœur, ils le mettaient en application. Ainsi ils étaient. Pendant l'apprentissage, ils étaient en état de jeûne. Après l'apprentissage, ils le mettaient en application pour que ça s'ancre et ça se mémorise et ça se trace dans leur cœur et dans leur esprit. Gloire à Allah. Comment maintenant les repères ont été chamboulés? Est-ce qu'il est permis à l'étudiant maintenant de délaisser une des obligations de la religion d'Allah pour les examens, alors que le verset est clair, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. La traduction approximative du sens du verset, ton souverain n'a rien oublié de la législation, disque, et de tout ce qui va faire le bien de ces créatures, de ces soumis, dans ce bas monde et dans l'au-delà. فَمَا يُبَاحُ فِطْرٌ مَعَا قَضَائِنِ اللَّهِ لِمَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ فَرَبُّنَا مَا ذَكَرَ غَيْرَهُمَا فِي كِتَابِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَفِي الْقَدِيمِ كَانَ النَّاسُ عِنْدَهُمْ أَعْمَالَ شَاقَّةٍ وَطَلَبَ الْعِلْمِ وَسَفَرَ شَاقٍّ وَلَكِنْ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا ذِكْرُ الْمَرَضِ وَالْمُسَافِرِ. فَهَذَا حُكْمُ مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ وَالْقَضَاءُ أما الحائض والنفساء فسيأتي الكلام عنهما فيما بعد. Donc, il n'est autorisé de rompre le jeûne durant la journée du mois de Ramadan et de le rattraper que pour les malades et les voyageurs. Notre souverain subhanahu wa ta'ala a cité ces deux-là au milieu des versets du jeûne. Et les temps qui sont passés, il y avait des travaux difficiles, il y avait la demande de science. Mais ceci n'est pas cité dans le Coran parmi les situations dans lesquelles on doit rompre le jeûne. Donc le jugement de ceux à qui est autorisé de rompre le jeûne durant le jour de Ramadan et de le rattraper, il est pour cela. Et en ce qui concerne la femme qui a ses menstrues et ses louchis, on y arrivera, Inch'Allah. وَهُنَا أَمْرٌ يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ حتى لا تدخل عقولنا فيما لا يعنينا من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال العلماء قد يتوهم بعض الناس أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز فيعيبون على من أخذ برخصة الله، وقد يتوهم آخرون أن الصيام أولى لسهولة المواصلات ويسرها وتوفرها، فهؤلاء وهؤلاء يلفت نظرهم إلى قول رب العزة وما كان ربك نسيا، وقوله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله في الآية التي فيها رخصة الإفطار يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن الله سبحانه وتعالى هي un point très important sur lequel les savants attirent l'attention, car certaines personnes peuvent avoir l'illusion que le fait de rompre le jeûne durant le voyage à notre époque n'est pas permis. Pour l'aisance du voyage, on traverse les distances que nos pieux prédécesseurs faisaient en un mois, on peut les faire en 3 heures de vol, Et donc, partant de là, il critique celui qui prend l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'ils n'ont pas le droit. Certains aussi s'imaginent ou ont l'illusion que il est mieux de jeûner maintenant parce que l'aisance dans les moyens de transport, etc., cela, les hommes de science attirent leur attention par le verset dont la parole d'Allah, dont la traduction approximative nous dit ceci. Ton souverain n'a rien omis. Tout ce qui est à légiférer, il l'a dicté, subhanahu wa ta'ala. Donc cela, les hommes de science attirent leur attention avec ce verset. Ton souverain n'a rien omis. Et avec l'autre verset, dont la traduction approximative nous dit ceci. Et Allah sait, et vous ne savez pas. et dans l'autre verset dans lequel il y a l'autorisation de rompre le jeûne pour le malade et pour le voyage, dans lequel il est dit « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. » اليسر والسهولة والتسهيل على المسافر أمر أراده الله سبحانه وتعالى وهو من مقاصد هذه الشريعة ومن سماحتها ومن حكمها. Donc la facilité et l'aisance pour le voyageur est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et c'est l'un des buts et des objectifs de la législation d'Allah et de la sagesse et des buts de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. ناهيك أن الذي شرع الدين هو خالق الزمان والمكان والإنسان فهو أعلم بحاجة الناس وما يصلحهم وما يصلح لهم إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala qui a légiféré la religion, c'est lui qui a créé le temps, qui a créé les lieux, qui a créé l'être humain, et c'est lui qui connaît au mieux le besoin de l'être humain et le besoin de ses créatures. Et c'est lui qui connaît au mieux ce qui est bien pour ses créatures et ce qui ne l'est pas. Et ce qui va les réformer en bien et ce qui ne va pas et ce qui va les détruire. Et comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant et le parfaitement connaisseur. Subhanahu wa ta'ala. Enfin, notre raison ne doit pas rentrer dans la législation. On a compris le but de la législation, ou le but d'un ordre, ou d'une autorisation, on ne l'a pas compris, on n'y mise pas notre raison dedans. On ne s'en voit pas dans la gueule du loup. On ne commence pas à disserter sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la dissertation sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les propres passions, amène à des diarrhées mentales. Il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. L'ayadan billah. Naqif indad al-haddi, incha'Allah. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barak Allahu fikum wa ahsan Allahu lakum jazakum Allahu khairan.